mon cœur, mes témoins. Mon sang, mes témoins. Mon âme, mes témoins. Mes pensées sont témoins. Allez, alléluia. Ce monde ne mourra jamais.